On dirait que ça marche. Bon, merci d'être venu. C'est un peu. J'étais à un mariage hier, j'ai dormi 2 heures, mais je suis encore en forme pour vous raconter des tas de choses, des tas d'histoires. Évidemment, d'un parcours d'une trentaine d'années d'activisme dans la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi de recherche. Donc, on va essayer d'explorer une série de chemins, des chemins qui sont aussi des chemins en boucle. Moi, je me plais vraiment à parler de boucles temporelles, c'est aussi des boucles générationnelles, des allers-retours dans le passé. Et puis, parfois, on avancera dans le futur. On est aujourd'hui, effectivement, aussi sur un point de départ avec le festival Homographias. Et je remercie Chris et évidemment toute l'équipe pour tout le travail incroyable de cette semaine, parce que c'est pas évident de débarquer comme ça un mardi dernier et de se mettre comme ça intensivement à élaborer tous ensemble quelque chose à partir de ce que j'ai pu vous fournir d'images, de textes en vrac comme ça. Il y a vraiment Suzy, Ariette en particulier, je sais pas où elle est là-bas. Chris, qui ont été là tout le temps avec moi à m'aider à structurer cette présentation un peu au pied levé, je dois dire. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont passées tous les jours contribuer. On a eu des moments intenses d'échanges sur les pratiques militantes et les expériences de vie de chacun dans cette épidémie qui n'en finit plus, même si on nous a annoncé sa fin. Cette fin du sida qui nous affecte, puisqu'effectivement nous ne sommes pas finis, nous avons loin, enfin, on est loin d'en avoir fini avec cette histoire. Donc l'idée, c'est aussi de montrer à quel point on a affaire à une histoire vive, à une mémoire vivante. Alors j'ai préparé des images qui nous accompagneraient dans cette discussion collective. Je tiens vraiment à remercier aussi les sœurs qui sont là. C'est très important pour moi parce que j'ai été très proche des sœurs il y a plusieurs décennies et j'ai perdu des sœurs aussi au fil de cette histoire. C'est pour ça que je voulais commencer par ce visuel, moi qui m'a beaucoup touché, hein, le fait que les morts sont des vivants mêlés à nos combats. Les morts sont toujours là, elles se tiennent derrière nous, elles se tiennent derrière nous comme une armée de morts et de mortes qui finalement sont là pour que nous portions aussi témoignage de cette vie dans la mort, de cette mort dans la vie qui caractérise cette épidémie au très long cours. Et donc je vous remercie vraiment d'être là. Il y aura évidemment à la fin de cette discussion, on a prévu qu'il y a un moment de rituel avec elle. Et ça me fait très plaisir que ça puisse aussi prendre cette tournure rituelle. Parce qu'on manque de rituels et la lutte contre le sida a été aussi un moment et un espace d'invention, de rituels de deuil, mais aussi de rituels de fête et de rituels d'amour, de rituels collectifs d'entraide, de célébration et pas simplement de désespoir. Même si, évidemment, pour ceux et celles d'entre vous qui ont découvert le manifesto qu'on m'avait demandé de rédiger à l'origine de ce talk et de cet événement. On a voulu ici renouer avec les années les plus dures, les plus sombres de l'épidémie, les années où il n'y avait pas du tout de traitement, les années où la violence des autorités sanitaires était absolument incommensurable, inimaginable, et où nous n'avions effectivement que la colère, le désespoir pour nous exprimer. Du coup, dans les images que vous verrez défiler, il y a aussi le témoignage et la résurgence de cette colère qui est toujours là, qui peut toujours être là, légitimement, et qui nous donne force, force de vie, pas simplement du drame, mais aussi de l'affirmation, mais aussi de la lutte. Donc c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ces boucles dont je vous parle. Ces boucles dont je vous parle, c'est aussi des boucles que j'ai commencé à travailler non seulement ici à Bruxelles. Donc on se reverra, on en reparlera, on continuera à construire tout ça au sein de la dynamique et du festival Homographie, bien sûr. Mais aussi à Marseille, par exemple, où en ce moment, la nouvelle génération queer est en train de prendre le relais archivistique avec Mémoire des sexualités à Marseille, un lieu communautaire de mémoire de nos luttes. C'est très important parce que on me demande, moi qui étais finalement si jeune à l'époque, je parle de la fin des années 80 et du début des années 2000, où j'ai milité et coordonné un projet communautaire de prévention du VIH-Sida dans le milieu de la prostitution masculine. Un projet qui s'appelait le projet Saint-Charles et qui est devenu l'association Autre Regard et qui continue aujourd'hui sur le modèle des actions communautaires menées par et pour des travailleurs du sexe, des travailleuses du sexe. C'est aussi effectivement une ligne de fuite sur laquelle il m'a semblé important d'insister. Pourquoi? Parce que on a beaucoup parlé dans les années 80 des 4H, ces 4H qui désignaient effectivement les groupes à risque qu'étaient les homosexuels, les Haïtiens aux États-Unis, les hémophiles, les héroïnomanes. Je pense à Marseille parce que Marseille était une ville où l'héroïne était très présente. La contamination par injection était vraiment massive à cette époque-là. Donc ces 4H, homosexuels, haïtiens, héroïnomanes, hémophiles. Et ce cinquième H, souvent oublié, des hookers, les travailleurs du sexe, qui ont pourtant joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre le sida. Il ne faut pas l'oublier et il faut le commémorer. On doit le commémorer en particulier puisqu'il y a une dizaine de jours, une grande figure de la lutte contre le sida dans le monde de la prostitution, qui était Lydia Bradjotti, nous a quittés. Lydia Bradjotti, c'était cette femme que j'ai rencontrée lors d'une grande messe institutionnelle en France, à l'époque de la création de l'Agence française de lutte contre le sida en 1989-90. Lors de cette réunion, j'entends des travailleurs sociaux, des représentants associatifs, des institutionnels se présenter doctement. Qui travailleur social, qui sociologue, qui expert, etc. Et soudain, cette femme prend la parole et se présente, Lydia Bradjotti, prostituée, toxicomane, séropositive, prenant la parole en tant que telle au milieu de tous ces professionnels, et quelque chose était en train de basculer, quelque chose qu'on était allé finalement élaborer très tôt dans la lutte contre l'épidémie, dès les principes de Denver, les principes qui insister sur la parole des personnes séropositives, des personnes séropositives et des personnes malades et des personnes affectées et de leurs familles elles-mêmes qui refusaient qu'on parle à leur place, qui refusaient effectivement qu'on leur vole leur parole, même si c'était des associations. Elles voulaient continuer à exister en tant que telles, en tant que personnes concernées. Et ça, c'est une dimension importante parce que la boucle temporelle que je vous propose et le grand bond des années 80 terrifiante de cette hécatombe, de ce désespoir et de cette colère. Finalement, s'en souvient-on et qu'en fait-on à une époque où, comme vous le savez, le VIH nous a été annoncé comme quelque chose qui était fini. Fini pourquoi? Parce qu'effectivement, il semblerait qu'avec les traitements, nous vivons, nous allons vivre, nous disposons de cette vie en plus et en même temps, ces avancées biomédicales, le fait effectivement qu'on ait découvert non seulement des traitements efficaces, au tournant des années 95-96, les fameuses trithérapies, les fameux ART, traitements hautement actifs contre le VIH, au moment où tout le monde tombait comme des mouches, effectivement, certains d'entre nous ont pu sortir de l'hôpital et se remettre à vivre, continuer à vivre. Et on a tendance à oublier finalement aujourd'hui où ces traitements marchent non seulement pour vivre, qu'il marche aussi pour éviter la transmission du VIH. Alors on insistera ici beaucoup, évidemment, sur cette période-là, en 2008, où moi je me trouve à Bruxelles, ces années-là, et où je suis venu pour une bourse postdoctorale à l'ULB. Et très vite, je vais mener une enquête dans le circuit festif gay. Pour essayer de comprendre comment s'articulent à la fois les moments de fête, les moments de prise de drogue et les moments de sexualité, à une époque où effectivement ces trois termes ne sont pas dissociés, à une époque où on se pose encore la question en sortant de boîte, elle est où l'after? Cette fameuse question qu'on ne se pose plus puisque l'after est à portée de smartphone et qu'avec l'avènement des applications géolocalisées, on peut se retrouver au domicile les uns des autres et entre-temps, des nouvelles drogues, des nouveaux produits de synthèse apparaissent sur le marché et sur le dark web en particulier. Ces nouveaux produits de synthèse apparaissent et sont disponibles Également sur Internet, on peut donc effectivement parler d'une forme de confinement anticipé de nos sexualités bien avant le Covid, puisque tout peut venir à nous. Les corps, les substances, les sexes peuvent revenir à domicile et quitter cet espace public d'où ils se sont abstraits. Alors c'est un moment important. Je suis ravi aussi que dans la salle et tout au long de la semaine, on ait pu avoir la présence et la contribution de personnes qui sont pour moi, sont pour nous, de véritables ressources. Alors c'est important parce que, comme vous le verrez au fil non seulement de ce débat, mais au fil de vos éventuelles déambulations après le débat et après le rituel, à travers tous les petits espaces magnifiques que nous ont concocté l'équipe au fil de la semaine, découvrir finalement des lignes de fuite sur des espaces comme les lieux de drague, comme les backrooms, comme tous ces lieux de débauche qui ont été largement stigmatisés au temps du SIDA, des lieux effectivement qui ont fixé toutes les paniques morales. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on a stigmatisé les lieux de drague à l'époque et les backrooms, à quel point on a dit que le silence qui entourait ces rencontres entre hommes était vraiment le signe de leur malheur, de leur honte, de leur vulnérabilité, alors qu'ils étaient des lieux de sociabilisation forte, des lieux extrêmement tenaces qui ont perduré même au-delà du Covid. Vous aurez donc effectivement la possibilité de découvrir plus amplement ces lieux à travers notamment des photographies, les miennes, mais aussi celles d'une photographe qui est parmi nous aujourd'hui, qui s'appelle Amélie Landry, et avec qui j'ai eu la joie et l'honneur de travailler en 2017. Amélie est arrivée un jour, lors de notre premier rendez-vous à la terrasse du Carrefour dans le Marais, avec un projet de bouquin. Elle avait passé 5 ans en bagnole sur les lieux de drague de France et de Navarre. Il y en avait plein, il y en avait partout. Elle s'était approchée de ces lieux, elle s'était approchée de cette maison des hommes en tant que femme. Elle est longtemps restée sur le seuil, elle a longtemps pris des photos de paysages, n'osant s'approcher, sachant très bien qu'elle allait être stigmatisée en entrant sur ces lieux. Et étonnamment, en rencontrant des hommes, elle s'est fait du coup chaperonner par eux. Elle a pu les interviewer, les photographier et faire ce magnifique livre qui s'appelle « Les chemins égarés, géographie sociale des lieux de sexualité entre hommes ». Et on a fait ce livre à l'époque qui cumulait à la fois les témoignages, des entretiens, des photographies. Un texte de notre cher disparu qui, dans la lignée des auteurs gays, séropositifs, francophones, qu'ont pu être Hervé Guibert, qu'a pu être Guillaume Dustan, qu'a pu être du coup Mathieu Riboulet, même si peut-être il n'aurait pas apprécié qu'on le place dans cette lignée, Mathieu Riboulet, qui a disparu en 2018, a aussi contribué dans le livre à écrire ce beau texte, Le registre des bêtes, que je vous invite à découvrir dans le livre. Malheureusement, on n'a pas d'exemplaire ici, on aurait pu y penser. Mais bon, on a le temps de découvrir ces espaces, de découvrir ce travail. Il y a une partie des photos qui sont là, dans l'expo un peu plus loin. Ces lieux de débauche, c'est très important d'en parler. C'est important de parler de nos corps débauchés, parce qu'on les a pensés débauchés, effectivement, ces corps. On les a pensés débauchés aussi quand eux, les séropositifs, ont décidé de baiser sans capote. Alors ça, c'était très très dur. Il y a eu des années extrêmement violentes où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. On avait effectivement découvert les trithérapies, les gens allaient vivre, ils étaient restaurés sur le marché de la sexualité et subitement, ils se mettaient à avoir des rapports sans préservatif. C'était le bareback, le mot bareback vient du domaine du rodéo, il signifie monter à cru, quand on monte à cheval sans selle, effectivement. Et cette figure du bareback, de la dangerosité et du risque, c'est les séropositifs, les personnes séropositives qui elles-mêmes ont décidé de la mettre en avant en disant, eh bien oui, voilà ce que nous faisons. Nous doutons que nous puissions nous surinfecter les uns les autres. Nous doutons effectivement, et peut-être que nous avons l'intuition déjà que, étant traités, peut-être qu'effectivement nous ne transmettons pas le virus. Il faudra attendre en fait 2008. Et je vous parle là de 95-96, il faudra attendre 2008, juste pour une indication. On a peut-être placé quelque part une frise chronologique pour vraiment ceux, celles qui veulent des repères chronologiques dans le temps de la lutte contre le sida, hein. À la fois cette histoire biomédicale, mais aussi cette histoire de lutte, cette histoire de rassemblement, de soutien. Elle est là, présente dans un coin, donc vous pouvez en apprendre plus en allant la découvrir. C'est quand même étonnant que, alors qu'on découvrait des traitements hautement efficaces contre le VIH en 1996, il ait fallu attendre 2008 pour que proclame un collectif de médecins dans un bulletin des médecins suisses, ça s'est appelé l'Avis suisse d'ailleurs, que c'était le titre de leur publication scientifique, les personnes séropositives traitées depuis au moins 6 mois et n'ayant pas d'autres IST, avec une charge virale indétectable, ne transmettent pas le virus. Alors aujourd'hui, effectivement, on a les associations qui ont pris le relais avec le temps et qui ont inventé ce slogan U égale U, undetectable, untransmissible, indétectable, intransmissible. Seulement, le principe de la prévention médicamenteuse, du fait qu'on pouvait prévenir la transmission par le traitement, figurez-vous qu'il était connu du monde médical depuis 1995. On savait déjà qu'en traitant les mères séropositives, elles ne transmettaient pas le virus au bébé qu'elles portaient. Ça veut dire que le principe était acquis dès 1995 et qu'il leur a fallu toutes ces années pour qu'on se décide à étudier la question du côté de la transmission sexuelle et pour qu'on se décide, une fois qu'on avait compris que le virus ne se transmettait pas par voie sexuelle chez les personnes dont la charge virale était indétectable, il aura fallu toutes ces années pour qu'on en parle. Alors c'est un moment extrêmement important pour moi, pour nous, ici en Belgique, puisque effectivement, et on va beaucoup y insister dans ce talk, et on en parle beaucoup dans les différentes mini-expositions qui sont à votre disposition aujourd'hui, ça a été pour moi le moment, j'étais en pleine enquête ethnographique sur le circuit festif en Europe, à partir de la démence, qui était une espèce de centre, mais qui faisait paniquer la Belgique. Je me souviens d'intervenants associatifs à l'époque, dans des réunions officielles, disant « Ouais, mais les non-Belges, ils viennent contaminer les Belges quand ils viennent faire la fête à Bruxelles. » Voilà où on en était. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose comme campagne de prévention. Vous allez en voir défiler certaines. Alors j'ai fait cette espèce de PowerPoint en vrac. J'espère pouvoir les laisser dérouler dans mon dos pendant que je parle sans avoir à cliquer, comme on fait avec ces fameux PowerPoint, comme disent les Américains, a lot of power but no point. Ici, nous avons plusieurs points, nous avons plusieurs boucles, nous avons plusieurs pistes, et effectivement, on va les parcourir. Je vais essayer de cliquer de loin en loin, mais vous verrez à la fois ces campagnes de l'époque, qui pour le coup se sont un petit peu défoulées sur la peur, se sont vautrées dans le dégoût pendant une très longue période, hein, parce que je parle des années 2000, je ne parle pas des années 80 cette fois, et je parle effectivement d'un moment où dans le monde associatif on a flippé parce qu'on a vu que les contaminations ne baissaient pas, et au lieu de se remettre en question sur les messages de prévention, et eh bien finalement on a préféré à nouveau diaboliser les personnes séropositives, et c'est ce qui, nous, à Bruxelles à l'époque, avec, et je suis très content qu'elle soit là, Mara Lalou, qui pour le coup a été quelqu'un d'important dans la dynamique qu'on a monté entre personnes séropositives à Bruxelles en 2010, participer aux actions de Warning Bruxelles dans cette ville et dans le milieu gay de cette ville. Tout commence en fait le 1er décembre 2010 lorsque il neigeait ce jour-là, je pense qu'il faisait moins 10, et deux personnes distribuent. Vous allez voir d'ailleurs le tract original est dans un coin là-bas. C'est intéressant parce qu'en fait, on a ici rituellement, outre des sœurs dans la salle qui nous protègent et qui nous aiment et nous soutiennent, on a aussi Sœur Thérèse, Mère Thérèse de Cuélar, du couvent d'Oc, Jean-Christophe Cauchy, un très grand ami. Je suis très content qu'il soit là aussi et qu'on soit sous ses auspices. Et on a aussi finalement Saint-Nicolas, parce que figurez-vous que ce 1er décembre-là, 2010, ce tract, c'est celui de Saint-Nicolas qui annonce qu'il a le sida et qu'il n'en peut plus. Et qu'il a besoin de le dire, parce qu'en réalité, lorsque Morane dit dans une campagne « Si j'étais séropositive, est-ce que vous écouteriez encore ma voix ?» ça le saoule complètement parce qu'il ne peut pas dire « si ». J'étais séropositif, il est séropositif. Et il sent l'urgence d'avoir à le dire publiquement et de dire qu'il en suffit, ça suffit, que de ce misérabilisme, ça suffit, que de ces campagnes dégoûtantes. Ça suffit de ce stigmate. Ce stigmate au très long cours, c'est le stigmate effectivement que Jonathan Mann, le directeur de l'OMS des années 90, avait désigné comme une épidémie de plus, une épidémie qui ne cesserait jamais malgré les avancées biomédicales et peut-être même avec les avancées biomédicales, puisque nous en parlons dans le manifesto, il semblerait que la charge indétectable se soit accompagnée d'une invisibilité sociale des personnes séropositives et de la disparition de leurs paroles. Et donc, du coup, on est en train de revenir ici aujourd'hui à la charge avec cette parole positive, avec cette parole des concernés, avec cette parole des personnes qui se retrouvent entre eux et elles pour se soutenir. En non-mixité choisie ou pas d'ailleurs, puisque lorsque Warning Bruxelles commence en 2006 ses actions, l'une des premières actions, c'est d'organiser ici dans le centre-ville des apéros séros. Des apéros séros pour les gays séropositifs, leurs amis, leurs amis, leurs amants, leurs amantes. Ça reste un groupe très mixte, un groupe où on peut venir sans avoir à dire sa séropositivité nécessairement, mais on sait que c'est un groupe de personnes séropositives à la base qui se retrouvent dans tous les bars de Bruxelles, donc non pas dans une association, mais dans les bars. Et les bars nous font un accueil inédit, parce que dans les bars, il semblerait qu'on n'en a plus parlé depuis très longtemps. Effectivement, on s'est contenté longtemps de la distribution de préservatifs, hein, en se disant, bon voilà, on remet cet outil aux gens, et peut-être que ça va marcher, et puis voilà, on a fait notre geste préventif, et qu'est-ce qui se passe d'autre ? Mais pas grand-chose, et pendant ce temps, les séropositifs sont invisibles, peut-être qu'en Belgique, ils l'ont été, parce que le mariage a été acquis si tôt qu'on a le sentiment parfois que le sida est passé un petit peu à l'arrière-plan des luttes. En France, c'est très différent, parce qu'en France, c'est une toute autre histoire, le mariage est arrivé très tard, on sait dans quelles conditions dramatiques, on sait... On sait les gens qu'il a fait sortir dehors sur les trottoirs de la République. On sait à qui on a affaire à partir de ce moment-là, mais très tôt en France, en 1990, les associations portaient les projets d'union civile entre personnes du même sexe comme un outil de lutte contre l'épidémie, donc un outil très normatif. Hein. Il fallait, d'une certaine manière, promouvoir le mariage comme un outil de prévention. Et franchement, je n'exagère pas quand je le dis. Il faut aller chercher les textes de Aide, les premiers textes sur le contrat d'union sociale pour voir à quel point c'était la proposition. Il y avait aussi, bien entendu, le fait qu'il fallait régler parfois dans l'urgence d'un décès la question des transmissions, quand quelqu'un qui vivait avec son amant ou son amante pouvait se faire foutre dehors, une main devant, une main derrière, sans rien, pour pouvoir être effectivement héritier, héritière de son amant, de son amante. Donc c'était quand même important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours effectivement ce double bind, cette espèce comme ça d'effet de dissonance entre les normes et leur contraire, entre les normes et l'affranchissement. Et pour le coup, Warning Bruxelles à cette époque met les pieds dans le plat en proposant une série d'activités que vous allez voir défiler ici. Alors vous pourrez... Et d'ailleurs, je vous invite évidemment, parce que je ne vais pas parler en continu comme ça, et il y a une bonne partie d'entre vous qui, dans la salle, sont pour moi des ressources qu'on abordera au fur et à mesure de ce dont il est question ici. Mais pour revenir à Warning Bruxelles, l'association et ses militants, militantes, ont organisé une série d'actions très visibles à l'époque. Parce qu'au-delà de Saint-Nicolas, qui est un petit peu l'ancêtre des actions qui auront suivi, Warning Bruxelles va organiser rien moins que l'élection de Mister HIV en Belgique et à Bruxelles en 2012. Et en 2013, c'est une action qui va être soutenue par le ministère de l'égalité des chances et de la diversité du Parlement bruxellois. Donc c'est une vraie reconnaissance, un vrai soutien, et on va pouvoir effectivement faire une campagne beaucoup plus structurée. On va pouvoir lancer un appel aux hommes gays, séropositifs ou séronégatifs qui ont envie de poser pour la campagne, et en posant pour la campagne, qui ont le choix d'assumer collectivement le stigmate, parce que vous pouviez être séronégatif et poser pour la campagne, inventer votre propre slogan et sortir du placard et partager le stigmate avec les autres. Tous les mois, trois candidats étaient du coup présentés dans les bars autour d'un événement, et ceci jusqu'à la Belgian Pride de 2013, où ça s'est terminé par un magnifique stand en forme de festival de Cannes. Il n'y avait évidemment pas d'élection. L'idée, c'était de porter à la fois dans nos communautés et dans les instances institutionnelles, les ministères, l'idée qu'il fallait redonner la parole aux personnes séropositives, notamment sur cette question du traitement comme prévention, qui était quand même l'occasion de se débarrasser une bonne fois pour toutes du stigmate, mais dont on voit qu'on n'y a pas tout à fait réussi dans la mesure où finalement cette silenciation dont je vous parle, cette silenciation biologique de notre charge virale, était aussi une silenciation de la charge morale que nous représentions en tant que personnes séropositives. On est loin, évidemment, de cette période où, je repense en vous le disant, à une copine lesbienne que j'ai retrouvée il y a à peine 15 jours dans une fête dans le sud de la France, que je n'avais pas vue depuis. Et on a beaucoup parlé de son ex, Sylvie, qui était injecteuse d'héroïne et qui est morte en quelques années, à la fin des années 80. Et on se souvenait avec Sandrine que personne ne voulait boire dans son verre. On se souvenait effectivement de cette opprobre permanente, de cette peur tangible. On est très loin de tout ça, mais aujourd'hui encore, j'entends chez des personnes séropositives qui viennent d'être diagnostiquées, au-delà de toutes les informations rassurantes qu'on leur donne sur le fait qu'elles vont vivre comme tout le monde, tiens donc, comme tout le monde, sur le fait qu'effectivement, elles n'ont pas de soucis à se faire parce que les traitements marchent bien, parce qu'elles vont, pour le coup, peut-être même avoir des traitements allégés. Elles entendent tout ça, évidemment. Et en même temps, je les entends me dire, en l'apprenant, j'ai pris une douche pendant 4 heures. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. T'es vraiment sûr pour les moustiques ? J'exagère pas. Ce sont des témoignages que je recueille entre 2015 et aujourd'hui. Il y a une dizaine de jours, en tant que Belzépute, une autre facette de ma personnalité, en tant que travailleur du sexe, en tant qu'escorte, j'ai reçu un homme d'une quarantaine d'années. Au départ, je ne savais pas en fait vraiment pourquoi il venait me voir, moi, Belzépute, qui propose une sexothérapie et divers services érotiques sur mesure. Et puis, il m'a demandé si je mettais des préservatifs. Et puis, il m'a demandé si je prenais la PrEP. Et je lui ai dit non, moi, je suis séropositif depuis 30 ans. Je vais bien. Et parfois. Et tout va bien, viens me voir. Et c'était formidable parce que finalement, je me suis retrouvé avec ce client plus jeune que moi qui est devenu mon petit bébé vampire et avec lequel j'ai pu parler longtemps, avec lequel, effectivement, la passe est devenu véritablement un lieu de restauration non seulement de sa sexualité, mais de son estime de lui-même. Il est reparti gonflé à bloc, j'étais tellement fier de mon travail ce jour-là. Et ça date d'il y a une dizaine de jours, en fait, en réalité. Je me rends compte à quel point, et je suis médusé de voir à quel point le stigmate est encore aussi présent lorsque, en étant récemment diagnostiqué, on peut perdre sa sexualité, on peut avoir peur de mourir encore aujourd'hui, malgré toutes les informations objectives que les mondes biomédicaux nous fournissent et que relayent les associations. Alors que faire ? C'est aussi évidemment des choses dont on va pouvoir discuter tout au long de ce talk et tout au long des échanges informels qu'on peut avoir après, avant le rituel des sœurs de la perpétuelle indulgence. C'est aussi l'objectif ici de démarrer quelque chose autour de ces questions, autour de ces boucles dont je vous parle, hein, je vous ai parlé effectivement de Ligia Bradjotti et du monde de la prostitution, je vous ai parlé des photos d'Amélie et des lieux de débauche au long cours où nos sexualités ont été stigmatisées. Je pourrais vous parler aussi du circuit festif gay, j'en ai dit deux mots, et de ce moment où effectivement nous nous retrouvons confinés et ubérisés à domicile avec nos mecs, nos drogues qui viennent à la maison, nos pizzas aussi. Et je suis très content que Samy soit là parce qu'il y a ici tellement de gens qui ont travaillé d'arrache-pied à faire de la prévention et de la réduction des risques de proximité, y compris dans le cadre de ce fameux chemsex qu'on nous présente comme une nouvelle hécatombe. Est-ce vraiment la même hécatombe ou s'agit-il d'autre chose ? Que s'est-il passé ? En quoi le chemsex est-il en lien avec la longue histoire du VIH ? Pourquoi subitement aurions-nous effectivement à nous abstraire de cet espace public qui a été le lieu de nos vies, de notre sexualité, de notre fête collective et de notre célébration. Quand j'ai travaillé à la démence et que j'ai enquêté sur ces mondes-là, dans toute l'Europe, j'avais le sentiment qu'on était implicitement en train de célébrer l'avènement du traitement comme prévention sans vraiment le réaliser. Subitement, nous étions tellement heureux de refaire la fête. Cette fête sous drogue qui a été si importante aussi au début des années 90, quand on ne savait même pas si on allait être en bonne santé ou même vivant à la fête suivante. Des chercheurs l'ont suffisamment bien décrit. À partir des années 2010, cette fête, elle revient. Les drogues sont là, on s'éclate dans ces boîtes qui sont présentées par les médecins belges comme un enfer de Dante. Il faut les entendre à l'époque. Et pourtant, ça continue. Et puis, effectivement, les applis apparaissent, on se retrouve abstrait. Et des personnes décident d'aller effectivement recueillir non seulement la parole, mais les expériences de réduction des risques telles qu'elles existent, les expériences d'autosupport. Et je suis très content que Samy, Soucy, tu sois là aussi pour éventuellement nous en parler. Donc, je vais au fil de cette discussion jeter le micro. En fait, il est trop court pour que je le jette. Comme ça, je passerai les autres images et vous verrez effectivement toutes ces boucles de temps, toutes ces boucles d'horreur, mais aussi toutes ces boucles de joie et de fierté qui est le versant de cette horreur telle qu'on a systématiquement pris leur contre-pied. Comment les raconter, comment les dire au long cours? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. On se rend compte que dans bien des pays, en tout cas en France, c'est devenu vraiment une thématique très importante. Quelle est notre mémoire? On sent que d'une génération à l'autre, ce désir de mémoire, ce désir de mémoire vive, c'est pas un désir de musée, c'est pas un désir de folklore, c'est pas un désir où on irait nous mettre un petit peu comme des sorcières de notre temps dans un musée d'art et tradition populaire un peu poussiéreux. C'est une mémoire vive dans laquelle on est prise, corps pour corps, âme pour âme, hein, une mémoire vive dans laquelle on est affecté. On n'est pas simplement affecté dans nos affects, on est affecté à une place particulière et cette place, on la revendique. Et je suis tellement ravi aujourd'hui que Emmanuel Cortés soit là parce qu'il nous parlera d'un projet qui vient de voir le jour en Belgique et qui consiste, il en parlera mieux que moi évidemment, à co-construire un espace de mémoire vive, un espace de mémoire vive autour de la lutte contre le sida et de ses expressions artistiques. C'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qu'on va voir grandir. Donc c'est une vraie fierté que tu sois là et que vous soyez venu en plus avec un outil, un sofa, dont on découvrira au fil de ce talk comment il fonctionne. Alors du coup, voilà, hein, plein de pistes, plein de boucles. Je suis aussi très content que Yagos soit là parce que Yagos est un ami et un collègue chercheur qui travaille aujourd'hui en Belgique, à la fois à l'Observatoire et à la plateforme, si j'ai bien compris, mais qui, pour le coup, aborde des thématiques qui me semblent extrêmement importantes pour renouer ces boucles générationnelles. C'est celle du vieillissement avec le VIH, ce truc qui n'était pas du tout prévu, quoi. Mais pas du tout prévu, quoi. Et subitement, les gens vieillissent avec le VIH, alors quoi? Est-ce que c'est des fantômes condamnés à vivre entre, d'un côté, les avancées biomédicales triomphantes, hein? Ça y est, c'est fini, hein. Ils nous l'ont dit, l'OMS. L'OMS nous ont dit, c'est fini, le sida est fini, quoi. Les fameux 3,95. Si on a 95% de personnes dépistées, que parmi ces 95% de personnes dépistées, les personnes séropositives sont prises en charge par le traitement et que 95% des personnes séropositives prises en charge par le traitement ont des charges virales indétectables, l'épidémie serait finie. Mais ça, c'est un probabilisme. C'est une figure statistique probabiliste qui sort des grandes enquêtes spéculatives des experts en santé de l'OMS, ça ne veut rien dire pour nos vies, pour nos corps, pour nos âmes et pour nos sentiments. Ça ne veut absolument rien dire. On meurt toujours du sida, on meurt toujours beaucoup du sida. J'imagine que vous savez bien à quel point le différentiel entre le nord et le sud est important et à quel point dans nos propres sociétés, l'accès aux soins, l'accès aux traitements n'est toujours pas garanti, loin s'en faut. Les personnes sans papier, sans papiers sont encore dans des difficultés monumentales pour se soigner. Et heureusement qu'on a des structures associatives communautaires, heureusement qu'on a par exemple à Paris, je ne vous ai pas mis de slide, mais je vous invite à découvrir cette association unique en son genre dans le paysage républicain français abominable, où une action de santé communautaire trans, Acceptes Transgenre, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant 5 ans, fait un boulot incroyable. Ce sont essentiellement des femmes trans latino, migrantes, donc séropositives et travailleuses du sexe, qui se sont coalisées et qui ont créé un espace de santé sexuelle, mais redoutable, puisqu'elles font du plaidoyer sur l'ensemble des vulnérabilités avec lesquelles on pourrait les stigmatiser et qu'elles en versent l'ensemble de ces stigmates pour en faire effectivement une force et une coalition et tenir tête aux institutions et se battre et créer un espace qui, pour toutes les personnes trans et qui, pour toutes les personnes cis, qui, pour une fois, ont la possibilité de se trouver en minorité, ça n'arrive pas souvent, créer cet espace culturel et de santé unique en son genre à Paris. Donc heureusement qu'on a eu effectivement les uns, les unes, les autres ici pour aller sur les différents terrains avec nos corps, avec nos âmes, avec nos sentiments et co-construire ensemble ces réponses communautaires. Moi, je suis très fier effectivement que vous soyez là et qu'on puisse engager cette discussion. C'est le moment où tout le monde commence à se dire à qui va jeter le micro. Moi, je vais pouvoir cliquer sur mon diaporama. Vous pouvez voir toutes les horreurs qui défilent. Mais d'abord, Mère Lola du rêve suspendu, un ami, un amant à moi, aujourd'hui disparu. J'ai beaucoup de disparus qui sont avec nous dans les mini-expos que vous allez traverser. DJ Bradjoti, Lola. Lola, dont je porte aussi le prénom. Guillaume Sennelier. Il passerait presque inaperçu et ça a été un militant de Warning Bruxelles important. C'est un photographe. La première expo qu'il a faite, il avait pris des photos de capotes au Parc Royal et il les avait prises en plan énormément rapproché du sol et on avait ces sols qui nous sautaient à la gueule avec une capote abandonnée dans un coin. Et sa première expo, c'était ça, Guillaume, et je me souviens à quel point il avait été actif à Warning puisqu'il avait le projet de lancer un festival qu'on avait prévu d'appeler Plaisirs Indétectables. Vous trouverez l'appel à contribution qui date de 2011 de ce festival. Ça vous donne une idée de ce qu'on pensait, ce qu'on faisait, ce qu'on aimait faire ensemble à l'époque. Donc je tiens à mentionner son nom. Il est sur les petites expos que vous trouverez tout à l'heure. Alors peut-être que la boucle, on peut d'ailleurs la commencer à l'envers et commencer par la mémoire et revenir à ce qui s'est fait plus près de nous dans le temps dernièrement. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous présentes le projet de mémoire vive dont tu es venu nous parler cette semaine et les outils que vous utilisez, là où vous en êtes et ce qu'on peut faire pour continuer ensemble, quoi. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Emmanuel. Je suis artiste plasticien. Je travaille plutôt le textile et je fais partie d'un collectif, un groupe de personnes qui travaillent ensemble plutôt. Sous le nom de des assemblées en Belgique autour des SIDA, des arts et des archives. Du coup, c'est un projet qui a commencé en 2023 et qui durera jusqu'à la fin de cette année. Donc, c'est un projet de 2 ans avec le but de créer 2 assemblées dans l'année avec d'autres événements autour de ça. Mais les assemblées, pour nous, c'est ce qu'on. On a choisi l'assemblée comme dispositif artistique. C'est l'œuvre d'art, cette assemblée. C'est la création de la communauté et c'est l'assemblage des personnes pour partager quoi que ce soit, une expérience, des outils, de l'art. Voilà, j'avais préparé toute une série de points, mais je vais essayer de juste me rappeler de ce que je voulais dire. En gros, pour parler de la mémoire et pour parler des archives, en fait, parce qu'il est sur le titre. En fait, nous questionnons le fait d'archiver des choses et l'accès aux archives, on s'est rendu compte qu'il est difficile, en fait, pour n'importe quelle personne, sauf si on est chercheur ou quelqu'un dans une école ou une académique. Donc, pour nous, c'est important de questionner comment on fait les archives et qu'est-ce qu'on fait avec. Et du coup, on crée des espaces, enfin des espaces pour plutôt créer des moments que chacune et chacun va après raconter une histoire spécifique à leur expérience. Au lieu de créer un document, au lieu de créer un bouquin ou de lancer un film, que ça, du point de vue d'une personne, même si c'est co-créé, c'est toujours une seule personne qui a le nom dans ce produit, on va dire. On essaie plutôt de créer la communauté autour des événements plutôt intimes, par et pour des personnes séropositives ou concernées par la séophobie. Et dans la communauté LGBTQI, je pense que tout le monde est concerné. Et on questionne plutôt tout ça autour de l'art. Aujourd'hui, j'ai apporté une canapé que j'ai faite pour notre seul événement ouvert au grand public de l'année dernière, en décembre. C'était un événement Okai Studios, qui est un de nos partenaires principaux du projet. Et le canapé, c'est un dispositif pour qu'on puisse parler autour du repos dans la communauté séropositive. Je peux vous montrer là. Il y a trois questions en quatre langues cousues un peu partout. Donc je vais l'ouvrir et je vous invite à vous asseoir sur lui, de l'utiliser, de le lire. Quand vous voyez, enfin, je ne sais pas si on aura du temps après le talk, mais de toute façon, je pourrais parler davantage avec vous, en one-on-one, parce que c'est plus facile pour moi de le faire. Mais je suis content de vous inviter aussi à nos deux derniers événements de cette année. Le prochain sera le 28 septembre à Gand, à Virnulvir. Et là, c'est une célébration de la fin des projets. C'est la célébration de tout ce qui finit. Le focus, c'est le deuil, en fait, parce que vu que c'est un projet autour du VIH et des différentes réalités, c'est une des réalités où on ne parle pas trop. Et le deuxième et l'événement final pour cette année, c'est en décembre, au Kai Studios aussi, le 13. Et là, on va ouvrir la conversation plutôt autour des intersections de VIH et de la migration. Voilà, je vous laisse là. Et on peut parler davantage après. Oui, bien entendu, vous pouvez nous couper la parole, s'il vous plaît, et nous poser des questions, parce qu'on a la chance d'avoir les gens sur place, et ça, c'est chouette. On a aussi sur place, et j'ai oublié de le dire, je m'en veux presque, parce qu'elle a été extrêmement présente et que c'est un ami très cher, Sofiane Filali, qui est aussi... Mimi Fétiche, performeur qui, du coup, nous donne à voir à la fois son travail, mais qui cette fois, et pour la première fois, aborde la question de la séropositivité, de la sienne, de la mienne, de la nôtre, à l'époque de Warning, où cette mémoire de l'entraide, de la paire aidance et de l'autosupport a été si importante, cette mémoire qu'il faut à la fois raviver, renouveler, reconstruire. Les soeurs vous expliqueront aussi peut-être qu'elles sont sur des projets de lieux de ressourcement, à quel point ces ressources collectives, ces moments où on peut se retrouver dans un autre soi qu'on construit ensemble, mais qui est un refuge comme bien des lieux peuvent l'être, hein, comme les buissons peuvent l'être aussi, comme les forêts peuvent l'être, comme des tas de lieux peuvent l'être pour nous. Effectivement, du coup, Sofiane sera là avec nous tout au long de la journée et vous pourrez contempler l'énorme travail graphique qu'il a fait avec l'équipe ici dans une des pièces à l'extérieur. Du coup, sur les artistes, comment vous les contacter? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux? Est-ce que c'est eux qui apprennent votre existence et qui vous contactent? Vous êtes au début de quelque chose, mais comment ça marche? C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Au début, on avait contacté nos réseaux personnels pour essayer de parler du projet et voir... en fait, une des questions qui nous menait à faire ce projet, c'était qui nous écoute? Qui est là? Qui manque? Et du coup, c'était un travail de communication, mais vraiment entre nous et nos réseaux personnels. Et après, de bouche à oreille, ça est devenu un projet un peu plus large de ce qu'on pensait que ça allait l'être. Et du coup, cette année, on a fait un open call. Et avec cet open call pour l'assemblée de juillet de cette année, c'était vraiment ouverte. Donc le projet, au lieu d'être intime et fermé que pour la communauté séropositive en Belgique, on a ouvert le projet avec nos réseaux institutionnels, artistiques et personnels. Donc, ça, ça change tout. Enfin, cette année, ça a été vachement différente que l'année dernière. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, c'est moi qui continue à faire l'institutrice de la Troisième République. C'est un rôle que j'adore. On vous trouve et on vous contacte où? Parce que tu nous as donné quelques dates, mais c'est peut-être important pour chacun, chacune, de savoir où vous contacter. Oui. Aussi compliqué. Vous qui n'êtes pas une association, on n'est pas un projet subsidié, vous pouvez me contacter à moi personnellement. On a un mail, mais je ne m'appelle pas exactement lequel. Je peux le chercher, je pourrais venir faire vous. Je n'étais pas préparé pour ça. Mais normalement, c'est viral@protonmail.me. Oui, c'est une boîte mail qu'on utilise pour la communication. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra bien sûr vous répondre. Alors, on veut voir le canapé. Voilà, ça c'est bien. Merci. Voilà, et il faut qu'on parle de ça. Ah, voilà. Ouh, c'est... je ne vais pas me répéter, mais je vais ouvrir le canapé maintenant. Et si vous voulez vous asseoir ou vous reposer là-dessus, vous êtes les bienvenus. Venez vous reposer. De... Moi, je suis très fatigué. Ouais. Je l'ai voilà, en fait, c'est à ça que ça sert. L'idée, c'est aussi d'apporter ce canapé à plusieurs lieux queer, des institutions de culture ou d'art, effectivement, pour avoir des conversations autour du repos, mais aussi du stigma et du... de l'appropriation, en fait, la réappropriation du virus. Parce que dans le projet, en fait, on pense et on parle du virus non pas comme une maladie, mais comme une série de transitions. Et du coup, on parle des sidas et des réalités, des différentes réalités qui existent autour du sida. Donc, c'est pas juste un projet d'archivage, c'est pas juste un projet d'art ni de recherche, c'est un projet communautaire. Et voilà, si vous avez des lieux où on pourra apporter ce beau canapé et en parler avec une communauté concernée ou pas, je pense que l'idée c'est de créer des espaces pour avoir la communauté, créer des espaces pour en parler. Ça invite à continuer parce qu'on pourrait en imaginer plein, il y a plein de choses écrites. Moi, je vous invite à venir le découvrir après, et à vous allonger, et à faire des câlins à des mots. On peut faire ça, hein. À qui appartient le sida? Moi, c'est pas une question, mais ça fait longtemps que je connais le projet. Je l'ai rencontré en fait en rencontrant Castillo. Et ce que j'aime beaucoup dans le projet, et quelque chose qui m'a perturbé en fait la première fois que j'en ai entendu parler, c'est que Castillo m'a dit que je pouvais participer à ces assemblées, moi qui suis séronégatif, sous PrEP, et parce que en fait bah, je me sentais pas concerné et en fait ça m'a mis face au fait que bah, si je suis carrément concerné par le sujet parce qu'en fait toute ma vie avant la PrEP et encore aujourd'hui parce que la PrEP il faut que je la prenne tous les jours, en fait il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête et quelque chose qui a régi ma sexualité depuis en fait que je fais du sexe et aussi en fait par le militantisme que j'ai pu faire quoi, et je trouve ça intéressant en fait de faire un projet qui inclut toute la communauté, en fait. Et comme tu le disais, toutes les personnes queer sont touchées, en fait, par les sidas. Ouais. Effectivement, et c'est une des difficultés, en fait, quand on approche les publics avec qui on est en contact, la moitié de ces personnes ne sont pas concernées du tout. Et du coup, la question est, c'est quoi ton niveau de concernement? Enfin, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais comment est-ce que t'es concerné et pourquoi? Ou pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas concerné? Est-ce qu'on peut en parler? Et je pense que c'est la magie en fait de ce projet. On a ouvert les yeux à d'autres choses. Je débarque en tant qu'objecteur de conscience sur le stand de Aide Marseille sur le Vieux-Port. C'était que des gays vraiment notables locaux, hein, avocats, médecins, etc. Moi j'arrive là et ils avaient quand même élaboré une campagne qui répondait à celle-là. Et il y avait un couple hétéro dessus qui disait « ça n'arrive pas qu'aux autres ». Alors c'était vraiment Ed qui voulait répondre à ça, évidemment, et dire « le sida n'est pas homosexuel », ce qu'ACT UP finira par dire « non mais arrêtez quoi hein, », un peu plus tard. Mais on voit effectivement toutes ces boucles, ces sidas, ces conflits, ces controverses de définition, d'appropriation qui sont constantes, et en même temps cette morale qui peut toujours nous menacer et qui nous enjoint toujours à retourner précisément la morale et le stigmate en force collective. Moi, ça me touche beaucoup, effectivement, parce qu'en ce moment, des tas de projets collectifs, mémoriels et d'archives en cours en France, pas toujours de manière harmonieuse, avec beaucoup de conflits, évidemment, puisque la mémoire, c'est le risque du musée, c'est le risque, effectivement, de ce placard-là, culturellement, c'est compliqué. Hein. À Marseille, ils ont fait une grande et belle exposition au MUCEM pour nous dire que le sida n'était pas fini. Sauf que le MUCEM, c'est un musée qui est magnifique, immeuble remarquable architecturalement, mais construit quand même, il ne faut pas l'oublier, dans le cadre d'un projet d'aménagement et de reconquête du centre-ville de Marseille. Ce projet s'appelle Euroméditerranée, il coûte 17 milliards, il aura duré 30 ans. Et le MUCEM a été construit sur quoi ? Bah, sur les docks. Imaginez ce que c'est les docks à Marseille, dans la mémoire d'une ville portuaire. Il y avait d'ailleurs un lieu de drague sur les docks, comme il y avait un lieu de drague à la gare. Hein, vous savez, ces portes, les muqueuses de la ville, quoi. La gare et le port. Eh ben, la gare et le port sont au cœur du projet Euroméditerranée, où on a tout ravagé, on a tout restauré, on a tout rénové. Marseille résiste de mille façons, heureusement. On est en train, effectivement, de voir de quelle manière Marseille résiste avec ses lieux de débauche et ses corps débauchés, avec Lazare, Nel et d'autres personnes qui sont là-bas, mais qui circulent beaucoup entre Marseille et Bruxelles. Et du coup, c'est intéressant que les liens se fassent entre les projets de mémoire vivent et très controversés. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut l'assumer même en fait, en réalité, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc autant se dire qu'on est aussi dans une lutte mémorielle, dans des luttes mémorielles, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec tous ceux, celles qui voudraient au contraire nous mettre dans du formol, mettre le sida au musée, hein, ou d'autres tragédies au très long cours. Je ne sais pas ce qu'il y a après comme image d'ailleurs, ça pourrait peut-être nous inspirer. Hein. Tragédie par exemple largement oubliée que celle où Georgina Dufoy, qui était secrétaire générale de la santé en France dans les années, à la fin des années 80, se déclare responsable mais pas coupable de quoi ? C'est l'affaire du sang contaminé. C'est l'époque où, vous voyez, encore un autre sida, tiens, celui des hémophiles qui ont refusé de passer pour les victimes innocentes contaminées par les institutions qui étaient là pour les soigner quand même. Hein. Le sang contaminé, ça voulait dire que les transfusés, les hémophiles, se sont retrouvés infectés, et massivement. Hein, parce que alors là, si vous voulez vraiment attraper le VIH, rien ne vaut la transfusion de sang séropositif non traité, évidemment. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Hein, le CTS, le Centre National de Transfusion Sanguine, ne testait pas ces sangs et a contaminé massivement une partie de la population française. Et cette population française, qu'étaient les hémophiles ou les transfusés, ont lutté aux côtés des autres groupes, aux côtés des autres mémoires, pour dire nous refusons d'être les victimes innocentes pour lesquelles vous essayez de nous faire passer, en fait. Et c'est intéressant de faire ces boucles parce que, effectivement, alors ça déroule derrière, et j'étais pas là du tout pour faire un commentaire des images, je vous laisse les apprécier à leur juste valeur. Mais quand le phénomène du bareback est apparu un peu partout dans le monde, une partie des associations et ACT UP qui nous avaient été si sympathiques quand les traitements n'existaient pas, ACT UP effectivement a fait cet énorme boulot hein, pour prendre à la gorge les compagnies pharmaceutiques qui retenaient avec leurs brevets les molécules qui auraient pu être rendues disponibles beaucoup plus rapidement quand il y en avait si peu pour se traiter. Et bien ce ACT UP, avec l'arrivée des trithérapies, s'est retrouvé un peu les bras ballants. Et c'est vrai que le bareback a été un moment un peu difficile pour ACT UP parce qu'ils ont eu tendance effectivement à moraliser ceux qui pratiquaient le bareback à travers ces campagnes. Je voulais quand même qu'elle soit là hein, pour dire qu'ACT UP, ça n'a pas toujours été cette image d'Épinal qui nous est servie dans le film 120 battements, même s'il est très important de se souvenir de la période de 120 battements, parce que les réunions publiques d'ACT UP sont très justement rendues dans le film. ACT UP, à d'autres moments, effectivement, et certaines associations françaises ayant pignon sur rue, ont pété les plombs. Ces campagnes-là, vous les voyez, moi, c'est des images que j'utilise en cours pour mes étudiants, mes étudiantes. Elles ont été retirées du web. Elles sont très difficiles à trouver parce qu'on a un peu honte d'avoir fait ça, d'avoir dit ça jusque dans les années 2000 et 2010, en comparant les séropositifs à des scorpions ou à des araignées. Et tu peux avancer, d'ailleurs, en focalisant sur le stigmate et le dégoût des corps malades, hein, ces corps débauchés malades qui avaient bien mérité de perdre leurs cheveux et leurs ongles et leurs dents. Tu peux avancer. en présentant effectivement des images comme ça, très moralistes de la sexualité, hein, des espèces d'orgies décadentes. Il y en a plein, hein, sites d'action. Ils avaient même fait un sablier charnier où les corps tombaient comme ça. Alors que les gens avaient cessé de mourir massivement. Le sida était beau, disait-on, méfiez-vous des séropos. En gros, c'est quand même le texte caché qu'il y avait derrière ce type de campagne. C'est bien, ça tombe bien parce qu'on peut avancer effectivement sur ces histoires-là. Jusqu'en 2009, où la Deutsche Aushilfe nous présente le séropositif, rien moins que comme Hitler et un tueur de masse. Elle est retirée et censurée très vite. On est carrément un an après l'avènement du traitement comme prévention. Donc franchement, là, ça craint. Et il y a quand même des gens qui disent, bon, retirez-moi ce truc. Je vous en parle parce qu'en Belgique, c'est l'époque où le romantisme pallie à tout. Mais enfin, il ne faut pas trop compter dessus en Belgique. On vous dit, méfiez-vous du romantisme. Hein. Le séropos romantique, c'est quelqu'un qui veut vous plomber en douce. C'est quand même le message subliminal de cette campagne avec aucun séropos sur l'image, des chandeliers couverts de capotes. Et la Morane, dont on parlait tout à l'heure, ils ont été très nombreux, nombreuses à se prêter à cette série de campagnes. Mais pour le coup, on ne voyait pas de personne. Séropositif, je ne sais pas ce qui vient après, mais du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure. Heureusement que Saint-Nicolas a fini par avoir le courage de nous dire qu'il avait le sida publiquement en décembre 2010 pour qu'on invente une nouvelle parole, notamment ici à Bruxelles. Je vous en ai parlé encore un instant, mais vous pourrez trouver dans une partie de l'exposition des éléments d'information complémentaires sur la campagne d'élection de Mister HIV à Bruxelles à cette période, avec des personnages qui étaient vraiment des gens connus. Parce que ça, c'est un tenancier de bordel, le Duquesnoy, qui a fini par ouvrir le STAM, Fred Dassogne. Mais la plupart des modèles étaient des gens, finalement, il y avait Bjorn qui militait à Outrage, il y avait Fred Serofol qui militait à Execo, il y avait Basile aussi, il y avait mon mari, dans les bras de Fred ici, pour les plaisirs indétectables. Et voilà, nous étions toute cette petite bande de gens qui nous amusions beaucoup et en même temps, il y avait beaucoup de colère, hein, beaucoup de violence dans le secteur subsidié. C'était pas évident de passer à autre chose. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de difficultés et de conflits. Donc ces mémoires, elles sont concurrentes, elles sont polémiques et c'est important qu'on s'en empare. C'est important effectivement qu'on y aille. En France, effectivement, il y a encore des tensions, mais autour de Sam Bourcier et d'autres personnes comme Patrick Cardon ou d'autres qui ont former le collectif des archives à Paris aujourd'hui, ça a l'air de vouloir avancer vraiment de manière sympathique. Je sais que beaucoup de sœurs dans certains couvents participent effectivement aux collectes d'objets de mémoire. Et Marseille, ben, Mémoire des sexualités, c'est formidable parce que c'est une institution indépendante depuis le départ et qui fait un énorme boulot. Aujourd'hui, en fait, les collectifs queer marseillais avec Lazare Lazarus ou d'autres, Nel et d'autres, s'emparent effectivement, y compris de lieux qui sont là depuis longtemps dans le centre-ville de Marseille. Il y avait pendant presque 40 ans un bar BDSM qui s'appelle le Mineshaft, rue Mazagran. La grande croisée du centre-ville de Marseille concentre un nombre de lieux de débauche absolument inédits. Certains sont menacés par Euroméditerranée. On essaie de lisser le paysage, hein, pour reconquérir cette ville sur les Arabes qui l'occupent au centre-ville. Et c'est un discours qui est à peine édulcoré, hein, ce que je vous tiens là. Les élus n'hésitent pas à parler de reconquête depuis 30 ans à Marseille. C'est le mot qui est utilisé dans les programmes d'aménagement urbain. Or, le Mineshaft, effectivement, après le décès d'un de ses gérants, a cédé à Mémoire des sexualités toutes ses archives, vidéos porno, soirées BDSM, sextoys et autres. Et évidemment que les jeunes militants s'en emparent pour essayer de raviver non seulement cette mémoire des objets, des textes et des visuels, mais pour faire vivre le lieu en y amenant de nouvelles populations, plus jeunes, plus mixtes évidemment, plus fluides nécessairement. Et pour le coup, bah, ça repart sur autre chose. Et c'est assez extraordinaire de voir des lieux qui ont existé, qui ont tenu bon dans le centre de Marseille, perdurer. On vient de vous montrer le fuck shop, parce que je voulais dire que Warning, c'était pas simplement l'élection de Mister HIV et le VIH, on en a profité pour parler de santé et de plaisir anal chez les gays parce que ben, cet organe sexuel digne d'attention, finalement, il passe un peu sous les radars. Moi, je travaille ces dernières années beaucoup sur la question en tant que chercheur, mais il se trouve qu'à l'époque, on avait imaginé effectivement ce fuck shop où on avait une grande carte de ce bas-ventre finalement inconnu de la médecine ou qui compartimente, en tout cas pour la santé sexuelle au masculin, l'urologue d'un côté. Il n'y a pas de prostatologue, hein, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas d'adresse. C'est malheureux. Mais pour le coup, on engageait la conversation sur la Pride de 2012 et sur le stand avec les gens. On avait un partenariat et du coup, à la suivante, vous verrez à la fois nos infirmières de l'équipe et un médecin, le pauvre, il ne savait pas quoi dire, Goffard, il était venu d'Erasme, il était presque gêné parce qu'il y avait devant lui tous les vibros à fil, les vibros sans fil. C'est important, hein, tu te souviens ce qu'on disait, Mara, hein, qu'on pouvait ressortir le vibro du vagin mais que l'anus gardait tout égoïstement et qu'il valait mieux avoir un fil. Hein. C'est quand même pratico-pratique. Et du coup, on avait ces conversations et dans l'union associative, ça parlait beaucoup. On a transporté ce fuck shop un peu partout, dans les sex clubs. Les fisters sont devenus de vrais experts du fuck shop et c'est eux qui nous ont tout appris dans les associations. Il faut quand même le dire, on revenait vers des communautés qui étaient quand même très expertes de ce qu'elles faisaient et qui le faisaient à moindre risque et dans le consentement généralisé depuis bien longtemps. Et du coup, c'était reprendre contact avec des sous-cultures sexuelles qui pouvaient participer aux actions au fil du temps. Je ne sais pas ce qui vient après, mais pour le coup, ce qui vient après, c'est évidemment Mister HIV et cette sérofierté qui nous a valu tant de commentaires et de reproches, parce que pouvait-on être fier d'être séropo? Eh bien oui, on pouvait être fier d'être séropo, comme on pouvait être fier d'être séroneg et de l'être resté. Et c'était un discours qu'on a pu tenir dans les bars à cette époque, tout au long de cette période, et c'était très important de dénouer à nouveau les langues sur ces sujets. De parler de sérocitoyenneté, de la participation effectivement des personnes séropositives aux problématiques qui les concernaient directement jusque dans les instances ministérielles. Alors sur la mémoire, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Est-ce que vous avez envie de venir vous allonger sur le sofa? Ce sera possible avant, après, pendant, tout à l'heure, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez? La mémoire, c'est aussi... C'est aussi le vieillissement qui permet effectivement de travailler entre générations. Et ce vieillissement, on a mis très longtemps à s'y intéresser. D'abord parce qu'il a fallu que les gens vieillissent. Et je disais tout à l'heure que c'était loin d'être acquis. D'abord parce qu'il a fallu que des gens traversent aussi des phases. Et je parle aussi là en tant que vieux séropo de 30 ans qui fête mon anniversaire, mes 30 ans cette année, de vie avec le virus, c'est-à-dire plus avec le virus que sans lui. Hein. Il y a un moment où ça bascule, c'est un peu comme le milieu de la vie à 45 ans. Pour ceux, celles qui n'ont pas encore 45 ans, il y a cette espèce de moment où on se dit « Bon, ok, je suis arrivé à la moitié de ma vie, il reste ça, quoi. » Ben, ces repos, en fait, c'est un peu bizarre parce que quand tu arrives au moment où tu découvres que ben, finalement, ben, tu vas vivre, tu t'es pas du tout préparé ou tu t'es peu préparé. Et cette espèce de moment, ben, on a fini par l'appeler un peu poliment le deuil du deuil. Un peu bizarre, hein. Une espèce de deuil au carré. Où il faut finalement faire le deuil de cette certitude qu'on avait qu'on n'allait pas rester bien longtemps et qu'il fallait en fait faire les choses très vite. Hein. Au début de l'épidémie, on se présentait comme ça, Laurent Guessa, homosexuel séropo, t'es pas content, dégage, j'ai pas le temps, quoi. Et on était nombreux à faire ça parce qu'on n'avait pas le choix et qu'on n'avait pas le temps et il aura fallu mettre de l'eau dans notre vin au fil du temps puisqu'on vivait, qu'on restait en bonne santé et qu'on a traversé ça, seulement traversé ça et se mettre à avoir cette vie en plus. Malgré ce qu'on peut en penser, ça n'a pas du tout été une phase facile que de se dire « Ah mince, en fait, ça continue. » Alors, je ne sais pas si ce sont des questions que vous retrouvez dans des enquêtes en cours, et moi, je suis ravi qu'elles existent. Enfin, des enquêtes sur le vieillissement ou sur le vieillir avec le VIH. Mais je sais que, Yagos, tu travailles sur un projet pareil dans les associations ici et auprès des personnes vivant avec le VIH en Belgique et que tu acceptes peut-être de nous en dire quelques mots. Bref, parce que moi je suis pas allé à un mariage comme toi, mais je n'ai pas été sage non plus, donc mon cerveau est un peu réduit en bouillie. Moi je suis sociologue, je mène ce projet de recherche sur VIH et vieillissement en Belgique, qui est une recherche qualitative, base d'entretien, etc. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui interroge ces questions de mémoire, notamment parce que les personnes que j'ai rencontrées, j'ai fait une vingtaine d'entretiens, sont aussi des passeurs de mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de tout l'aspect recherche, donc tout ce qui relève de trucs protocolaires, rapports, articles scientifiques, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment cette mémoire et comment le discours des personnes pourraient trouver une autre voie d'expression. Et moins encadré par les soi-disant experts universitaires. Et j'ai été ravi, par exemple, que trois parmi les personnes que j'ai rencontrées m'aient fait part de leur envie d'écrire un livre sur leur vie et sur leur carrière séropositive. Du coup, m'ont proposé de collaborer avec eux. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Et voilà, sinon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que ces rencontres m'ont permis de comprendre plusieurs choses, notamment que, enfin, y a pas. Enfin, j'essaye de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait appeler séronormativité, dans le sens où. On voit que les personnes, en fait, résistent, composent avec ou parfois reproduisent des injonctions, des prescriptions de disons, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça devrait être une bonne séropo, une bonne manière d'être séropo, avec voilà, notamment l'idée que. Je sais pas que la beauté d'un corps usé, enfin même si je ne pas, enfin, disons un corps qui a vécu est inconcevable dans ce cadre séronormatif. Oui, donc c'était très très intéressant, par exemple, de voir que les personnes, enfin certaines personnes parlaient à la fois de leur âge avancé et du virus, non pas comme des défauts ou enfin, pas du tout dans une optique misérabiliste, mais au contraire, comme des forces, comme des privilèges, en fait. J'ai eu ce discours avec plusieurs personnes que, déjà, d'être plus âgé même de vivre avec le virus, que le virus était aussi un cadeau, un privilège. Voilà, je ne sais pas si ça a été cohérent ce que j'ai dit, mais c'est ce qui me passe par la tête. Si tu as des questions. C'est un peu un commentaire. C'est vrai que je parlais tout à l'heure de ce jeune homme qui est venu me voir et j'ai le sentiment que sans pour autant utiliser le mot privilège, avec quoi il est parti, c'est avec la possibilité de considérer cette expérience nouvelle pour lui comme un nouveau regard sur la vie, un regard tout à fait unique et singulier qui n'était pas celui de tout le monde. Et que cette expérience, effectivement, elle le plaçait là, avec ce regard de bébé vampire, c'est comme ça que je l'appelle aussi, parce que je trouve que c'est une belle métaphore, parce qu'on bascule quelque part, effectivement, mais c'est pas forcément une bascule qui est désagréable, et en particulier pas avec l'âge. Après, moi, je nie pas, évidemment, que la traversée du moment où tu te mets à vivre, elle est compliquée. Alors elle est en plus compliquée à notre époque, évidemment, cette espèce de temps des catastrophes successives, on se dit, ah bah tout ça pour ça. Donc c'est clair que ça peut être un peu dur, mais ça me surprend pas, effectivement, que le mot de privilège puisse ressortir là où on l'attend le moins. C'est aussi celui qui permet aussi de contrer les discours misérabilistes ou qui assignent à la vulnérabilité, à l'incapacité, ceux et celles qui, au contraire, font précisément de tout cela une force d'affirmation et de lutte et de colère et de construction donc, collective en plus. Donc je crois que enfin, ça ne me surprend pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots des enquêtes dans lesquelles tu es en ce moment et que je trouve intéressantes puisque à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le vieillissement. Non, juste pour dire aussi que ce que j'ai dit, ça nie pas non plus le fait qu'il y a des difficultés pour les personnes qui vivent avec les virus depuis longtemps et qui ont un certain âge, des difficultés pas seulement liées aux stigmates, mais physiques, comorbidité, tout ça. Mais voilà, juste pour. Mettre l'accent sur la nécessité de contrer tout écueil de misérabilisme. En fait, voilà, moi je suis arrivé ici à l'Observatoire du Sida il y a un an, un peu moins, donc pour entreprendre cette recherche qui concerne le vieillissement. Donc voilà, je pense que je l'ai dit déjà, c'est une recherche par entretien. Donc qui va être bouclé très bientôt, mais heureusement là ça fait quelques jours que j'ai appris que il y aura des subventions pour continuer sur cette même thématique. Et donc déjà pour moi c'est important d'élargir en dehors de Bruxelles, parce que tous les entretiens étaient avec des personnes qui vivent ici à Bruxelles. Voilà, et parallèlement, ça fait quelques mois que je travaille sur une autre enquête, quantitative cette fois, à la plateforme Prévention Sida, et qui concerne les discriminations sérophobes dans le milieu médical, et notamment chez les dentistes et gynécologues. Oui, c'est une enquête en cours, donc je peux pas en dire plus. Oui, enfin, je vois personne ici de la plateforme, donc je risque pas de me faire tirer l'oreille. Oui. Non, on fait quelque chose qui a été déjà fait au Canada, en France et dans d'autres pays, qui consiste à faire un testing téléphonique. Donc, on a une équipe qui appelle les cabinets dentaires et qui demande une prise de rendez-vous pour un détartrage. Et par la suite, une fois le rendez-vous pris, annonce leur statut sérologique positif. Et après, on note toutes sortes de réactions qui peuvent aller de il n'y a aucun souci, de refus de soins carrément. Avec quand même une récurrence, c'est en cours, donc en tout cas, c'est ce qui semble se profiler. Une récurrence d'un truc qui date, hein, qui consiste à demander aux patients que le rendez-vous soit en fin de journée. Dernier créneau. Et on dirait que ça persiste à tel point qu'on se demande si certains dentistes pensent qu'il y a un protocole justement qui leur permet de faire cette demande. Bon, on va boire une bière, non? De danser. D'abord, il y a un rituel avant qu'on en termine de cette discussion. Bon, en fait, je suis assez ravi qu'on parle de ressourcement parce que c'est une des activités très anciennes des sœurs et que dans la fin des années 80-90, on a amené des gens de Marseille en Bretagne, par exemple, qui étaient des gens qui étaient souvent des amis d'abord et puis en mauvais état. Et en même temps, je me dis, c'est dingue qu'encore aujourd'hui, effectivement, comme tu le soulignes, le stigmate soit aussi lourd à porter et qu'on en soit encore là. Ça dit à quel point ces espaces d'autosupport et d'entraide sont nécessaires et qu'il faut arriver à les penser. Alors moi, j'ai tendance à trouver qu'effectivement, aujourd'hui, avec ces dimensions tellement affirmatives, glorieuses et triomphantes des traitements, il y a une partie de la parole qui se perd. Et je dirais ça aussi bien pour les gens qui prennent la PrEP, et qui sont aussi avec leur pilulier, il faut quand même le dire, et tout ce que ça vous fait d'être séronègue avec un pilulier, ce que ça nous fait, nous, à nous, de vous voir avec un pilulier, tu vois, c'est aussi des choses qui sont dites et non dites en même temps, et Samy, tu voulais justement prendre la parole, et je te la donne. Parce que je vois la fin arriver, et en fait, il y a un truc que j'aimerais souligner, je suis assez content qu'il y ait autant de monde ici, je suis un peu surpris, et... mais par contre, je suis pas très surpris du manque de mixité en fait dans la pièce et des prises de parole qui ont été faites. Il y a des choses hyper intéressantes qui ont été dites. Mais aujourd'hui, quand on parle de la fin du VIH, on parle surtout en fait de la fin du VIH pour les personnes blanches qui ont des papiers en fait. Quand on voit la complexité d'accessibilité au traitement en fait pour les personnes sans papiers par exemple, et le manque de plaidoyer sur ce sujet-là. Et je suis pas surpris en fait de voir en fait ces publics-là invisibilisés de nos événements. Bon, après, il y a une émission de radio prévue dans le même cadre au Belgica mercredi prochain, et il y aura Jaya qui est assez célèbre dans la scène voguing bruxelloise et belge en général en fait, et qui sera présente pour parler de ce sujet-là. Mais voilà, mais j'avais je serai là aussi. Mais j'avais pas plus de choses à dire dessus, mais je trouvais important en fait de le souligner qu'en fait il y a majoritairement des personnes blanches ici dans la salle, que pas une seule fois on a parlé en fait on a effleuré le sujet un peu des publics en fait qui sont le plus précaires en fait face au traitement, mais on n'est pas vraiment rentré dedans. Et pour moi c'est un sujet qui est hyper important et qui doit être davantage visibilisé dans nos communautés en général et dans la société. Oui, c'est d'ailleurs en fait un axe important à l'association Acceptez Transgenre et la migration, parce que pour le coup, on a vu arriver une pluie d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, des gens qui basculent subitement dans la clandestinité et dont l'accès au traitement régulier est totalement remis en question du jour au lendemain. Donc effectivement, ce sont des perspectives dont il faut trouver les moyens de les intégrer au même titre que les rapports Nord-Sud, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit un profil épidémique, et y compris sur de nouvelles épidémies, en fait, sur des épidémies émergentes, comme on les appelle, mais qui sont en fait simplement résurgentes. Hein, je pense à la variole du singe, avec tous les stigmates que ça charrie, effectivement, mais ce que ça charrie aussi dans les rapports Nord-Sud, et dans la possibilité qu'effectivement, des épidémies puissent être des espèces de cycles naturels complètement acceptés dans certaines parties du monde, et qu'on ne s'en occupe que quand effectivement elles ont une possibilité d'affecter non seulement ici, mais les groupes qui ici sont parmi les moins démunis. On a eu aussi d'ailleurs, effectivement, vous ne l'avez pas raté en 2002, cette peur panique que la variole passe en population générale à partir d'un groupe sempiternellement stigmatisé, mais qui a pris ses responsabilités très tôt, ce dont on a d'ailleurs encore une fois manqué de parler. On est tout le temps effectivement dans ces tensions entre le stigmate, la désignation, la marginalisation et la reprise en main effectivement et de sa parole et de son pouvoir d'agir. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a cette photo précédente, je ne sais pas si on peut revenir sur la précédente, d'une scène de die-in, d'act-up dans les années 90. Hein. On voudrait qu'encore aujourd'hui, on soit tous et toutes en capacité de descendre et d'investir la rue de cette manière-là. Moi, j'espère que c'est vraiment encore possible, parce que tant reste à accomplir de ce point de vue-là, tant reste à accomplir, et peut-être qu'il faut renouer avec une forme d'activisme direct auprès des institutions en France, par exemple. Je pense qu'on va finir par ne plus du tout avoir le choix. Et que c'est assez symptomatique des formes de lutte et d'activisme qu'il faut vraiment se mettre à réinventer tactiquement. Évidemment, on n'a plus trop de temps pour en parler, mais ça boucle aussi la boucle avec la question des mémoires, des rituels et des mémoriaux vivants. Je le dis vivant parce que lorsque l'exposition du MUCEM s'est construite, il a fallu pour le coup batailler, notamment par les bénévoles du Patchwork des Noms. Vous savez, c'est une association qui s'est créée dans les années les plus catastrophiques de l'hécatombe, et les familles se retrouvaient autour d'ateliers de couture pour coudre des carrés et personnaliser en fonction du cher ou de la chère personne disparue, en discutant et en parlant d'elle et en composant comme ça des carrés de tissu. Hein. On repense à ce travail de couture, à ce travail de fil qu'il ne faut pas interrompre pour construire cette mémoire et pour qu'elle dure et pour qu'elle reste vivante. Au MUCEM, quand ils ont voulu muséifier l'un des carrés comprenant plusieurs patchworks, les militants et les militantes ont tout de suite dit « Mais attendez, si on fait un rituel, est-ce qu'on pourra le ressortir ?» Ça allait à l'encontre de toute politique de patrimonialisation et de muséification. Alors qu'est-ce qu'on fait avec des objets qui, invoquant les morts, et je boucle bien cette boucle par rapport à slogan des sœurs que j'ai voulu vous présenter au tout début, parlent de nous et parlent des vivants, comme si les morts étaient vivants parmi nous. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va effectivement clôturer. Merci à vous tous pour votre présence. On peut... pour le coup, clore ce temps d'échange et de débat, mais il continue après le rituel qu'on vous propose maintenant. Il continue aussi avec Sofiane Filali qui a fait cet énorme travail, et je ne sais pas où il est, peut-être il aurait voulu en dire un mot. En tout cas, vous pourrez le rencontrer s'il est dans les parages pour présenter son travail dans les différentes salles.